haut. Attention Bordas, Bordas revendique. Bordas, Bordas, il aime l'industrie métallurgique. C'est l'industrie qui emploie le plus dans le département. En 2004, avec 3000 emplois, elle est proportionnellement 2,3 fois plus importante qu'en France. Les grands groupes industriels concentrent notamment l'emploi industriel au sud. La métallurgie existe aussi dans différentes activités, sur tout le territoire, avec notamment le groupe Arcelor. Construction, ça fait mal, attention. Membre du réseau de division technologique, le CRITT s'inscrit également dans le réseau des conseillers technologiques de Lorraine qui est chargé d'accompagner les entreprises dans leur développement industriel. La technique de découpe par jet d'eau permet aussi de découper. Mais donc, que les textiles, les produits alimentaires ou encore le papier. En place par la CCI depuis 1998, ce système productif localisé vise à être le lieu de rencontre des PME de la mécanique en Meuse. Au travers des 8 familles de métiers qui la composent, l'assemblage, le montage mécanique, la construction mécano-soudée, le façonnage et le parachèvement, les fabricants de machines spéciales et d'ingénierie, la chaudonnerie. Mis en place par le CCI depuis 1998, ce système productif localisé vise à être le lieu de rencontre des PME de la mécanique en Meuse au travers des 8 familles de métiers qui la composent. L'assemblage et le montage mécanique, la construction mécano-soudée, le façonnage et le parachèvement, les fabricants de machines spéciales et d'ingénierie, la chaudronnerie, l'usinage de relais de propos, la sous-traitance de découpe, les industries de forge, l'emboutissage. Il y a deux objectifs. L'échange d'expérience entre les entreprises et la mise en commun de moyens techniques, financiers et humains en vue de développer des partenariats entre les entreprises du secteur médical d'un département. C'est pas possible. Ça sert aussi à répondre au développement des marchés et des produits propres. Vous verrez tous les renseignements sur le site internet www.meusemecanique.com. Parlons un peu du blé tendre.